À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit DJ Amida. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, DJ Amida. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà la quatrième soirée avec DJ Amida. Comment ça va? Très très bien, et toi? Bien, tout se passe bien. Une semaine mouvementée avec du monde. Avec du monde. Tous les soirs. C'est ça. En même temps, il y a 34 titres. T'es obligé de recevoir beaucoup de monde, tu vois. Sur la mix party qui est dispo en téléchargement légal depuis lundi. Depuis lundi, c'est ça. Qui est dispo en support physique aussi. Ouais. On va rappeler quand même que c'est 34 titres, mixés. Ouais, c'est ça, c'est mixé. Donc c'est important aussi de le préciser. Voilà, ouais, vous avez qu'à ça. Mettre le son et ça défile. Et ça défile. Tranquille. Tranquille. Bon, on va pouvoir découvrir ça ce soir. Que se passe-t-il dans l'émission, Amida? Dans l'émission ce soir, j'ai reçu beaucoup d'invités comme hier. Donc aujourd'hui, on a Oriental Impact, des mecs avec qui je travaille de Nantes, qui sont ici avec moi. Aussi j'ai Aynin, une chanteuse R&B, qui est aussi sur le projet. Et Ayman Serrani, un talent oriental de Roubaix. Et ben, c'est une compile où tu vas chercher un peu partout. Voilà, c'est ça. Tu fouines un petit peu partout, c'est quoi? C'est quand t'es en soirée, on tente des trucs? C'est des rencontres où je fouine un peu partout sur le net des nouveaux talents. Parce que j'aime bien mettre aussi des artistes confirmés autant bien que des nouveaux talents. Et bon, on présente un petit peu tout le monde dans un instant, mais juste avant, on débute avec le morceau de Camro. On est sur Paname. Le clip est arrivé, hein. C'est ça, magnifique. DJ Amida, Mix Party 2015. Depuis des mois, ça parle sur moi. DJ Amida, sans me connaître, tu parles de moi. Camro, je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir sur un son. On est sur Paname. J'suis refait, j'vois les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe, des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, mis à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Paname, on détonne ta femme sans état d'âme. On est sur Paname. Si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal de claquer sa paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Welcome to Paname. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. La ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Paname, là où les videurs jouent les vandames. On est sur Paname. La différence est notre plus belle arme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Paname, où la colle c'est de l'eau man. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname à l'instant avec DJ Amida et Camro. Le clip est dispo là depuis quelques jours. Depuis quelques jours, le clip est dispo sur YouTube. Allez faire un tour, allez cliquer et présente-nous un petit peu donc les invités ce soir qui sont aussi sur Mix Party. Voilà, donc soyons galants s'il te plaît. Ok, Amida, on va commencer par la fille. Ah oui, ici, hein, on va être galants. Donc Aynin. Aynin, comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Oui, nickel. Bon alors, parle-nous un petit peu d'Aynin, comment tu l'as repéré, comment tu l'as invité sur le projet. J'ai invité sur le projet, donc moi j'avais fait un remix de Où est ma wife avec LECK en 2013, et elle l'avait repris et elle avait contourné à Où est mon boy, et ça avait super normal. Bien marché. Oui. Voilà. Et suite à ça, j'ai rencontré les mecs qui la géraient, Abdel et compagnie, et voilà, donc je l'ai invité sur le projet. Ça va, Aynin? Ça va, Aynin? Tu viens d'où? T'as fait quoi? Un petit parcours, un petit CV express? Alors, moi, je viens de Reims. Et je suis signée chez le label OMG. Et on prépare actuellement le premier EP. Et ça arrive début septembre. Donc, début septembre, un EP. Voilà, il y a un très gros clip, Le Grand Bandit, qui arrive très, très bientôt. Et sinon, est-ce qu'on peut entendre déjà des sons de toi? Est-ce qu'on peut trouver des vidéos? Oui, sur YouTube. Il suffit juste de taper Aynin. Le dernier que j'ai sorti, c'est Je suis insolente. Et juste avant, il y avait Oman. Et voilà. T'es insolente? Ouais, un peu. Quand il faut. C'est vrai, je te trouve très discrète pour l'instant. Très calme. Je le suis aussi. D'accord. On a de la chance alors ce soir. Aynin, pour aller suivre, c'est A-Y-N-I-N-E. C'est ça. Allez voir, il y a, je suppose, plein de réseaux sociaux. On peut voir. Oui, il y a Twitter Aynin officiel, la page Facebook Aynin officiel également. Et on t'écoutera tout à l'heure en live dans l'émission pour la Mix Party 2015. Voilà. Ensuite, on a Oriental Impact de Nantes. Donc voilà, ils sont deux. Il y a Y et Karim. Bienvenue, voilà. Messieurs. Ça va? Installez-vous. Ouais. Approchez-vous qu'on vous entende. Ouais, donc, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tout va bien. Donc, alors, c'est qui le groupe Oriental Impact? Oriental Impact, c'est moi, YZ et Gary du Rockma. Donc vous êtes deux? Ouais. Vous êtes sur Nantes, voilà, c'est ça. Vous avez sorti des choses avant? On a sorti des petits trucs, ouais, vite fait. J'ai fait beaucoup de clips l'année dernière et il y a deux ans aussi avec eux. Et pas moins de 6-7 millions de vues, donc ils sont très très écoutés. Très bien. Et toi, tu les as repérés comment aussi? Je les ai connus via LECK. LECK, ouais. Voilà, qui avait fait un titre avec eux en 2011, et voilà. Et vous sortez des choses là bientôt? Ouais, on est en préparation, là, on prépare l'album. Inch'Allah pour début 2016. Et pour vous suivre, c'est? C'est Facebook Oriental Impact. Oriental Impact, ouais. Voilà, pour aller faire un tour dessus. Et bien, bienvenue à vous, Amis Nantais aussi. C'est bien, on voyage Reims, Nantes. Et après, on va vers où alors? On va à Roubaix, mes gars. Ça va? Ça va et toi? En forme? Ça va très très bien. Le triangle d'or, Lille, Roubaix, Tourcoing. Si. Ça va bien. J'ai dédicace aux gens de Roubaix. Et bien, une grosse dédicace à tous les gens de Roubaix de la région. Voilà. Et merci pour l'invitation à DJ Amida. Alors, toi, tu l'as connu comment? Ayman, je l'ai connu parce que je travaillais dans un studio à Bruxelles. Et il faisait son album là-bas, donc voilà, c'est là d'où la connexion s'est faite. Voilà. Donc toi, t'as sorti des choses? Ouais, bon, moi j'ai sorti ma première chanson l'année dernière qui s'intitule Ilia Hadi, et c'est avec cette chanson que je me suis fait connaître. D'accord. Donc ça fait un an que je suis dans le game. Et là tu es dans le game, et donc la prochaine sortie dans le game, ce sera quoi? Un album? Ouais, un album l'année prochaine, et là je suis dans de nombreux projets pour avant l'été. Là. Et bah la mix party déjà. Voilà, exactement, là, qui est dans les bacs. Avec DJ Amida, pareil pour te suivre, toi, il y a les réseaux sociaux, on exactement. Peut trouver où? Ayman Sirani sur Facebook, Twitter, Instagram, même Snapchat s'ils veulent. Ah, Snapchat. Ah, Snapchat. Voilà. Ok. Merci. Allez, on met un morceau extrait de la Mix Party 2015. Je danse quand même de LECK. Je danse quand même LECK, et puis il y aura du live avec tout le monde aussi. Ouais, hein, il y aura soir. Du live avec tout le monde. À pas louper Planète Rap, DJ Amida au contrôle. Personne ne répond, y'a plus rien à faire. J'voulais faire un beau clip dans une boîte à Miami, Dubaï ou Punta. Ok, on néglige comme ça. Je reviendrai comme un loser. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Pas de meuf, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, j'ai rien compris. Qui est dispo à part Jenali? Oh my god, oh my god. Mes voisins m'espionnent. Rien à faire, je fais genre tête en l'air. Je suis du père, j'ai la flemme quand on me questionne. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Yeah. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense comme elle. Pitié, endormi à moitié, pas de projet, la vie m'est décrochée, maman veut me jeter, le pôle emploi m'a raté, je traîne plus au quartier. Maintenant c'est la MJC, j'essaie. Plus je me néglige dans cet art, je me rapproche du c'est trop tard. Pourtant on demande peu de choses, juste un féfé et une haute mare. Beaucoup de souris par intérêt, où est leur tort, on a tous un frigo. Je veux juste rendre mes parents fiers, ensuite promis, je tire le rideau. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense comme elle. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense comme elle. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec DJ Amida à l'instant. Et ce morceau est le CK, je danse quand même. 34 morceaux présents sur l'album Mix Party 2015. Des invités ce soir qui sont là, qui viennent un peu partout. Ouais, de partout. De Roubaix, de Reims, de Nantes aussi. C'est ça. Des gens que t'as repérés. Voilà, c'est ça. Parce que le concept, on le rappelle, c'est ça aussi. C'est voilà, mélanger des têtes d'affiches, si on peut appeler têtes d'affiches, ou des gens confirmés. Avec des nouveaux talents. Toi, voilà, tu reçois beaucoup Ouais, on m'envoie beaucoup de maquettes et tout. Non, et après, j'écoute, je prends le temps d'écouter. Et voilà, s'il y en a un qui me plaît, il n'y a pas de problème. Bon, ce soir, par exemple, s'il y en a qui se dit, viens, j'aimerais bien envoyer un son à Amida, comment on fait? Ben, il y a l'adresse mail, il peut me l'envoyer directement, djhamidamixparty2015@gmail.com. C'est une adresse mail qui vous sert aussi à choper des t-shirts. Voilà, donc vous pouvez aussi envoyer vos photos avec le CD, avec la capture iTunes pour gagner des t-shirts. Donc photo avec l'album Mix Party, voilà. Ou la capture d'écran. Voilà, du iTunes, il n'y a pas de problème. Rappelle l'adresse parce qu'elle est un peu longue. djhamidamixparty2015@gmail.com. Voilà, allez-y, envoyez, il y a des t-shirts à choper ou alors des sons, hein, si vous faites des sons aussi chez vous. Voilà, n'hésitez pas. Toi, c'est quoi l'avenir un petit peu pour toi? Il y a évidemment la tournée Mix Party. Voilà, c'est ça cet été, la grosse tournée Mix Party. Après, on retourne au studio, on retourne au four. Hein. C'est quoi l'idée? C'est vraiment ressortir un projet par an? Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas un projet intermédiaire que... Pour le moment, non, pourquoi pas, on est ouvert à tout, mais ouais, pour le moment, c'est un projet par an. Produire des gens aussi ou pas? Ouais, produire des gens, ouais. Kevlar qu'on a reçu à 2-3 jours aussi, que je vais produire. Donc voilà. Et bah très bien, donc Amida, allez le suivre, plein d'infos, et pour repartir avec des t-shirts, vous avez l'adresse internet. On va balancer un son, celui de Nekfeu, on verra, et puis on retournera juste après sur le son de Mix Party 2015. Nekfeu, ça arrive avec l'album Feu bientôt. L'émission rap de référence. Planète Rap. C'est Planète Rap. En direct avec Fred sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap. Nekfeu, c'est ce qu'on écoute à l'instant. On verra. Et DJ Amida avec la Mix Party 2015. Tu voulais nous présenter aussi quelqu'un, Amida? Ouais, mon bras droit au niveau de la composition musicale. Mec avec qui je m'enferme en studio pour faire les instrus. Bachir Prodweiler de Toulouse. Ça va bien? Ça va. Il y a toute la France là. Ouais, bah là on est un peu partout. On est à Reims, on est à Nantes, voilà. À Roubaix, voilà. et maintenant à Toulouse. À Toulouse. Donc votre collaboration c'est quoi en fait à tous les deux? Donc on s'est connus en 2011. Il faisait des instrus, donc je me suis dit pourquoi pas bosser avec lui. Donc la majeure partie de l'album, je l'ai fait avec lui. Le fameux beatmaker. C'est donc lui. Voilà, c'est une collaboration qu'on a fait à deux. Il arrive avec ses idées. J'arrive avec les miennes, on les fusionne et ça donne ce qu'on connaît. C'est combien de temps de boulot une mix party? C'est quoi, 6 mois intense? Avec lui, c'était 18h, 8h du matin tous les jours pendant une semaine. À une semaine, tu fais une mix party? Non, juste avec lui. Ah. Donc juste avec lui, c'était ça. Après, lui, il travaillait de son côté, moi je travaillais de mon côté. Mais grosso modo, pour faire une mix party, il faut de combien de temps? 6 mois. 6 mois, ouais, vraiment six assez mois, intense. Ouais. Voilà. Pour la post-prod, après faire poser les gens, 6 mois. Bah, quand, ouais. quand t'as du monde, quand t'as un tracklist comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, il y a forcément aussi une couleur particulière sur laquelle vous bossez ou c'est assez libre? Après ça, je pense que chaque beatmaker, il a sa couleur et lui, il sait tirer le bon de chacun, quoi. Le meilleur de chacun. Il sait ce que je sais faire de mieux, donc je pense que quand il vient avec cette idée en tête. Et puis voilà, et puis moi je tiens à dire aussi que DJ Amida, c'est aussi un DJ qui travaille, qui collabore avec des beatmakers, mais qui apporte beaucoup dans ses idées, dans musical, ouais. Voilà, il apporte sa touche dans l'instru, quoi. Il se contente pas de dire ouais, je veux une prod. Toi, c'était quoi ton parcours, toi, avant votre rencontre? T'avais fait des sons pour d'autres personnes? Ouais, j'ai fait des sons pour d'autres personnes qui ont tourné dans des grosses radios concurrentes à celle-ci. Je vois pas de qui tu parles. RTL? Non, pas RTL. Alors, il y a pas de concurrence. D'autres radios, en tout cas, et avec des noms aussi. Donc, ouais, j'avais un petit parcours. C'est pas un parcours de ouf, mais c'est un parcours honorable, on va dire. Et donc voilà, ça continue petit à petit. Là, tu bosses sur aussi d'autres projets. Ouais, voilà, d'autres projets en cours, avec des collaborations. Eh bah, écoute, bonne chance à toi. Et ouais. Bienvenue aussi dans ce Planète Rap. Il y aura du live dans quelques minutes. C'est ça. Avec tes invités au micro. Juste avant, on avait dit qu'on mettait aussi un autre morceau extrait de la mix partie 2015. À ma santé. À ma santé. Charlie Bell. Voilà, ils l'ont fait hier en live dans l'émission. On peut voir les images sur Skyrock. Très bon retour sur ce morceau en plus. Donc laissez vos messages. Le hashtag, c'est DJ Amida sur Skyrock. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Charlie Bell, DJ Amida, à la bien mix party, à ma santé, à ma santé, à ma santé, à ma santé. Pour atteindre mon but, j'ai campé. Si t'auras, je te décampais. J'suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. Seuls les jaloux lèvent pas leur revêt. À ma santé, à ma santé. Deux, trois pas, les causes ont bluffé. À ma santé. Pas nous manquer, non. Mais je me tire d'ici une fois que j'ai banqué. Pas besoin d'être loin d'elle pour vouloir se planquer, non. Sans être sous alcool, tu peux vouloir trinquer. Ça n'est marre d'être trinqué, big up à mes inquiets, yeah. Quand je suis dans le club, pas loin y'a mes cinglés, oh. Faut que je fasse les choses, j'ai plus le temps de tenter, hey. Y'a trop de jaloux, faut que je reparte entier, hey. Pour atteindre mon but, j'ai campé, hey. Dit t'auras, je te décampais, oh. J'suis pas passé par la porte d'entrée, hey. Puis la naissance, je suis fin prêt, oh. À ma santé, hey. À ma santé, hey. Seuls les jaloux lèvent pas leur revêt, hey. À ma santé, hey. Trois pas, les causes ont bluffé. À ma santé. À ma santé. À ma santé. À ma santé. Ce soir j'oublie tout, on peut pas m'affaire. J'oublie mes soucis, faut que je me vide la tête. Prendre une bouffée d'air, il faut que je fasse la fête. Ici je me sens mal, j'ai plus rien à perdre. Faut que je me barre, me poser au soleil. J'oublie. Je jette toutes mes affaires, s'il le faut. Je pars en charter si tu me suis. À ta santé. Tu sais, je vais pas tarder à me planquer. Tous les jaloux n'ont qu'à parler. Moi j'ai plus la force de sympathiser. Faut que je me barre avant d'exploser. Qu'est-ce que je m'en fous de ta vie? C'est une maladie, ils veulent pas me voir avancer. Pourquoi regarder les autres si vous êtes une autre? Souhaitez-nous la santé. Pour atteindre mon but, j'ai campé. Qui t'aura, je te décampé. J'suis pas passé par la porte d'entrée. La naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. Seuls les jaloux lèvent pas leur revêt. À ma santé, à ma santé. Deux, trois pas, les causes ont bluffé. À ma santé. Atteindre mon but, j'ai campé. Si t'auras, je te décampais. J'suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. Seuls les jaloux lèvent pas leur revêt. À ma santé, à ma santé. Deux, crois pas, les causes ont bluffé. À ma santé. À l'instant, c'est un extrait de Mix Party 2015. Un gros morceau aussi, un celui-ci. Un gros morceau, ouais, ouais. Sultan, Charlie Bell. Ouais, ouais. Ils l'ont fait hier, j'ai eu de très très bons retours par rapport à ce morceau. Et je rappelle que la vidéo est dispo sur le skyrock.fm, ouais, sur le planetrap.skyrock.com également. Allez suivre les articles aussi qui sont faits sur le blog de l'émission planetrap.skyrock.com. On va revenir dans quelques minutes, Amida, on attaquera le live aussi. Ok, pas de soucis. On met encore un petit morceau pour s'ambiancer avant le live, okay. Comme tu veux. Ou moi, je le mettrai directement en live. Tu balances. Dans un instant, du live, va pas louper sur Skyrock. Avec les invités de la Mix Party 2015. Vous aussi en freestyle, envoyez un petit message 41759 pour rapper en direct dans l'émission. C'est juste après ça. Skyrock reçoit DJ Amida pendant une heure complète ce soir. Planet Rap DJ Amida. C'est DJ Amida, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Et pas tout seul. Tiens, représente-nous un petit peu pour les gens qui arrivent ce soir dans Planet Rap. Qui on va entendre en live d'ici quelques minutes? Peut-être que le micro fonctionne. C'est bon. C'est la soirée, voilà. Il y a des soirées comme ça. Donc là à ma droite, on a Oriental Impact de Nantes, Aynin qui est ici parmi nous et Ayman Serrani qui vient de Roubaix. Il y a Aynin qui vient de Reims. Oriental Impact de Nantes. Voilà. Et un gros live qui se prépare dans quelques minutes. Juste avant, est-ce qu'on peut aller faire un tour du côté de Montpellier pour rejoindre le DZ, c'est bien ça? Ouais. Le DZ? C'est ça. Et eh ben bienvenue, je te présente Amida qui est là. Dans Salut Planet. DZ, ouais. Ça dit quoi bio quoi? Ça va tranquille frère et toi? Alhamdoulilah, on est là. Alhamdoulilah, la famille. T'es là pour le freestyle? Ouais, freestyle par téléphone. Ah, ok. Toujours. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Ok. C'est décembre 94, tu me vois naître, prendre ma première bouchée d'air, ma première dose. Les jours passent, je te vois veiller mais j'y pense pas, je préfère m'entraîner, taper dans un ballon en espérant percer, je me souviens, cette fois, fermé quand chez moi, jamais j'aurais imaginé que c'était pour la dernière fois, je repense à tous ces moments passés auprès de toi, où c'était pour rire, ces années tout plein de joie, mais tout ça est maintenant fini, car t'es parti vers notre créateur, que Dieu t'accorde la miséricorde, elle mine, n'oubliez pas que la vie ne tient qu'à un fil, un jour tu me vois, demain je peux ne plus être là, je me garde de bons souvenirs, un homme droit, est-ce que tu veux dans le bin, tu fais tes parties, cette vague d'immigration qui a reconstruit la France, surtout, t'as subi du mépris, du racisme à tout va, tout ça parce que t'as fait un bal d'année, tu bronzais avec mes os. Ils te cherchaient des poids à la tête, ouais. Ils voulaient ta peau aujourd'hui. Je sais d'où je viens. Et j'oublie pas que le sang qui circule dans mes veines est algérien. Tu m'as toujours dit de croire en mes rêves. Ben je rêve que tu reviennes. Et oui, la vie est dure, c'est mes embûches. Mais je lâche rien sur cette terre mélancolique. Je lâche ces quelques paroles en ta mémoire. Loin des yeux, près du cœur, pas que je ne carte mémoire. En héritage, tu m'as laissé ma mère. Tu peux pas savoir à quel point elle en a souffert. Pleurant pendant des semaines, croyant au cauchemar. Elle avait du mal à réaliser la réalité. Plus elle vieillit, plus je te revois en elle. Subhanallah. Aujourd'hui, on a fait serrer les coups. Des fers sans toi, mais alhamdoulilah, je m'abstiens pas de le dire. Courage à ceux dans la famille se déchire. Certains te diront que la richesse se trouve dans les biens matériels. Moi je te dirais, je suis millionnaire, donc j'ai l'amour de mon père et de ma mère. La famille, y a que ta vraie, même dans l'obscurité. Ton ombre te laisse tomber, alors trace ton chemin à la règle. Autant dire tout droit, pas de détour à droite, à gauche, non pas de compas. Avance et fais honneur à tes précédents, car n'oublie pas que le Tout-Puissant nous a envoyé pour le satisfaire. Ne te fais pas avoir pour la chétane, donc te laisse pas faire. Tu restes une vie sans souci, sans prise. Peut-être, mais quand je vois la croissance de SN, peut-être que je m'inquiète. On nous tartine avec la liberté. Mais pourquoi leur putain d'état n'est-ce pas nos sœurs voilées? Pendant que l'on tolère des mecs aux cheveux multicolores, tatoués partout sur le corps. L'homosexualité, c'est encore pire. Certains sont tellement égarés qu'ils vont tout droit vers l'enfer. Enfin bref, nous naviguons en pleine crise. Sur ma petite barque, j'essaie de ne pas couler. L'islam sera ma bouée. Certains disent que dans la vie, soit tu manges, soit tu te fais manger. Mais ont-ils pensé un jour tout simplement à partager? À l'instant, en freestyle, le DZ de Montpellier, bravo à toi. Merci. Merci à toi, le DZ. Y'a pas de soucis. Si dédicace, on peut te retrouver sur le net? Non, j'ai pas de net, j'ai rien du tout. Ah, moi, une cabine téléphonique, ça suffit, quoi, direct. Voilà, je suis en direct de la voiture. En direct de la bagnole. Faut faire une petite dédicace, vas-y, quoi. Vas-y, on t'écoute, Bah, déjà, dédicace à DJ Amida, on le kiffe. Et dédicace à Sylvia, Sarah, Kamel, Hamza, Abdel, Karim et toute ma team de Montpellier. Merci à toi, le DZ. Merci à toi, y'a pas de soucis. Ciao, passe une bonne soirée. Amida? Ouais. On est prêt? Toujours. Est-ce que tes invités sont prêts? Tout le monde est prêt aussi? On est prêt. On attaque? On est prêt, c'est parti. Allez, go, coup d'envoi. Hamida sur Skyrock. Planète Rap. DJ Hamida mix party dans les bacs. DJ Hamida, j'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Yeah. Couper mon fan et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et former poteau qui fait l'odeur de la viande grillée. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnectée, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnectée, je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai tout Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Mais m'appelle pas. Passe mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'outil. Je suis sous le ciel gris dans Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Quand je démarre la caisse, les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne une bonne caisse. Je prends Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune. Je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image. Fais un bisou au village. C'est là que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. Soyons unis, pas de prise de tête. À la khatr wa'ran, tous les mgharba. attends jaillir. Viens, viens. Laisse-toi aller. Que du plaisir pour tes oreilles. Et ça ne fait que commencer. Yeah. Viens t'ambiancer. Au platine, pire à ses dangers. Oublie tes problèmes et pour l'instant. Allez, viens danser. Chérienne. هادي ما في ومن صحر وندش بغيت مع البالي ربي وحده هو اللي عالم واش تصرالي On veut tous la vie d'Aloca. سيف البلاد وصول لهم يييي وين كان ابا دي جي حميده على بيان بالو تربيتا aux orteils, dans tes oreilles, c'est des bouteilles pour qu'ils s'en souviennent. Moltes. Comment DJ Amida, ego, je suis dans une soirée sombre. La nuit est à nous, c'est de la bombe. Robe, y'a des beurettes et y'a des plombs. Bébé, s'il y a du place, y'a du monde. Y'a mon équipe, oui. Ce soir, faut que je passe. Attention, ma gomme me poursuit. Voilà, je course et elle me capte avec un job pour tous piches. Des prises de tête, enfumé tous plis. Tous plis. Frappe à la bien mise. Ce soir, je m'envoie à des pays. Jordan 6. Tu prends le fond, quand on reste assis. Pour le monde, qu'est-ce que c'est placé à on fait comment. Et vous, elle nous a crié. On fait comment? Ton vétère, elle ne dort jamais. Je suis venu te traquer, yeah, yeah, yeah. Force, ce soir je viens traquer. Texto, big mon pélo. Fais partie de la soirée. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es pas venu me déhancher. J'esquive la sécurité. Y'a des verres qui vont péter. On se traque pas pour charmer. Nous on se réveille comme ça. Nous on se réveille comme ça. Ouais ouais on se réveille comme ça. Tous les yeux sont braqués. Me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça. Non non me regarde pas comme ça. Ne viens pas faire péter les fusils. Tout touche à mon voyage de fusil numéro uno. Hamida mix party 2015. On fait comment? Parlez-vous, elle nous a crié. On fait comment? Oh oui. Trop d'hiver, elle ne dort jamais. Je suis venu te traquer, yeah yeah yeah. Je suis venu te traquer, yeah yeah yeah. Traquer, yeah yeah yeah. Je suis venu te traquer, yeah yeah yeah. Accompli, dis-moi, tu te sens comment? J'fais rien de moi, tu as vite mes rêves. Venu m'ambiancer gentiment. Tu me mets en concurrence. Et tu ce que je vaux vraiment. Je rappelle juste le temps que tu redescends. J'veux plus de love, love, love. J'vais faire ma monnaie. De love, love, love. De love, love, love. On fait comment? Parlez-vous, elle nous a crié. On fait comment? Jamais. J'suis venu te traquer, yeah yeah yeah. J'suis venu te traquer, yeah yeah yeah. Traquer, yeah yeah yeah. J'suis venu te traquer, yeah yeah yeah. Hamida Mix Party 2015. Hamida Mix Party. Ah ah, Ayman Serrani sur Skyrock, Planet Rap. Kin Choufouk. Kin Choufouk. Kin Choufouk. On a tout notre time. Oriental Impact. Allez, viens t'amuser. Arrête de faire ta timide. Mets-toi à l'aise, viens danser. Ambiance caniculaire. Là sur la piste, hey. Tous les loups sont de sortie. La plein démarche gonfle les becs en riz. Toutes les filles sont jolies. Mais ça raconte quand tu les aguiches. Ça profite entre eux. Ah, mais ça va souvent au-dessus de tes limites. Car on veut juste kiffer toute la night. Kiffer toute la night. كان انفاس في قلبي شعل الماس عينيك حاجه لا كلاس انك طيحني فالغاز كنشوفك انا انفاس نبغي الميزيك على الياس حبك خلالي لاطراس و انتي ماشي نتاع الفاس On va tout casser, on va vous mettre le hala, les yeux cassés, la jambe passée, le chala, tirer la sirope. La grégousse, alors mettre la main à la poche. Jamais de boost. Devant l'entrée, t'as carré, carrosse. À 4 sorties de peau. Cendrillon, se voit déjà sans condom. Bingo. Ma pigeon, t'as recoulé, elle s'est dit bingo. Fais ton bico, toi tu veux l'emmener au télo. Elle sait pas que le rouleau tour l'amène en bateau. Viens le babour, comme dirait le photographeur. Ren Ren Lick fait la misère. On a des sœurs à la bien mix party. Ma crème moustache, maintenant Ferrari. Gijou Fekien est en face. Vigal Bich, allez la masse. عينيك حاجه لا كلاس زيدك طيحني في البلاص نشوفك انا اون فاس نبغي الميزيك على الياس حبك خلالي لا تراس نتاع لي ستراس قولي لي منين انتيا عينيا زين الزينه والعقليه ايوا قولي لي منين انتيا تحلو عينيا زين الزينه والعقليه واختاريتك انتيا عينيك حاجة لا كلاس ايمن Ta wahed letta, j'suis sur la piste, les bras écartés. J'suis ferhan, y'a tout le quartier. J'suis ferhan, y'a tout le quartier. Dans la poche arrière, j'ai le gros paquet. Nique sa mère, je vais tout claquer. Des grosses cuisses et des gros tarpés. J'repense aux frères qui nous ont quittés. À ceux qu'on prive de liberté. Passe-moi le mic, l'instru, j'la découpe. Pendant que vous nous servez d'écouter. Une balance, me tend pas la main. Tu me dégoûtes, hijo des boutes. Anti-boulet qui viennent nous fouiller. Mets des amendes pour des plaquettes rouillées. On peut te soulever ou même te douiller. Même si t'es une masse comme David Douillet. Si ton legging est bien moulé, les chaînes de la casse vont débouler. Comme un de feuilles, t'es bien roulé. T'as ces tapis rouges et déroulés. Elles sont tous stringées, brochingées. Elles font tout pour nous motiver. Intriguées, j'suis pas un pigeon. Mais si t'es trop frais, j'te laisse profiter. Si t'es chargé, j'vais te charger. Et partir avant le coup de siffler. J'ai posé de t'éteil en 10 minutes. Tes copines les ont toutes sifflées. Quand la grande classe sur nos tas, à l'occasion, rêve une vodka. Pas à l'ancienne, chose le meilleur des ridicules comme chaussettes, t'inquiète, fille. Mec, merci, c'est d'où je viens. Mix party à la bien, bien, bien. Plein, on sait que tes poches sont vides. Ouais. Et maintenant que les choses sont dites, je vois que t'es lourd qu'à travers ton bide. Tu m'as bien vu, non. Tu m'as bien regardé, je me rends, mais plein la vue. Ouais. Sortez les lunettes 3D, je ramène du lourd. Et toi du léger, je suis au soleil. T'es là où il va neiger. Priez, normal, je suis en PG. Mais je veux te plaquer, DG. Merci, d'où je viens. D'où je viens. J'aime 6 matchs, Skyrock, c'est toujours numéro uno. Numéro uno, numéro uno. Soso, yeah, Alice Le Kiss, J'aime 6 matchs. Cet été, c'est pour nous, hein. Viens danser par le fini. Get On a ce qu'il vous faut. DJ Hamida au platine, c'est toujours numéro uno. Pod Fighter, c'est pour nous les gars. Clap your hands everybody. We about to go in. Anis Lokis, Jam Sisma, DJ Hamida, c'est tu le seul. Révèle, parfumée par l'oseille, hey. You welcome Miss Vilaine. Elle dort sur le carrelage rouge loup boudin. Son répertoire rempli de jumpies. Elle danse jusqu'à la fin. Il n'y a que elle sur la piste. Miss Vilaine est là. Tout le monde dit Miss Vilaine est là. Where she at, where she at? Miss Vilaine est là. There she go. Miss Vilaine est là. Mais elle est quelle fraîche. C'est Miss Vilaine, y'a pas de problème. Elle brise des chaînes. Je voulais sortir. Elle marche en équipe, que des vilaines. Elles sont ronces, c'est le capitaine. Elle fait la halène, la meuf saine. Mais elle est plus sale que la scène. Si les rats avaient un royaume, ce serait la reine. Oh Miss Vilaine, Miss Vilaine, ne me dis pas que tu m'aimes. Je ne pourrais jamais m'y faire. Voilà, tu puis des oh, océans. DJ Hamida Mix Party 2015 à l'instant, gros live une fois de plus. Et puis les retardataires qui sont arrivés en cours de route. Comme d'hab, James Sismad qui nous a rejoint avec Anis Lukis qui sont sur le projet aussi. Ça va bien, messieurs? Ça va. Oui, merci Fred. James, quelle nouvelle? Bah, ça va, on est là. Hein, t'as vu? Bah, je vois, en pleine forme. Un peu en retard, mais t'es un entier. Mais... oh, le cliché. C'est pas le genre en plus. Bon, tout va bien pour toi? Ouais, ça se passe. Tout ce temps, qu'est-ce qui se passe alors? Bah, des petits projets à droite à gauche. Là, je reviens du Congo. J'ai fait une date avec Caris. On tourne un petit peu. J'ai finalisé mon album. Il y a encore quelques titres qui traînent, mais bon, on est sur la fin. À la rentrée, les extras arrivent avec des clips. Donc voilà. Pour la rentrée. Voilà, pour la rentrée, c'est deuxième partie de 2015. Ouais, direct. Et puis en attendant, donc avec Anis qui est là aussi. Anis, voilà, qui m'a contacté via le projet de DJ Hamida. Donc voilà, quand on a participé au projet, c'était lourd. On a fait un gros titre. Donc cet été, on sera, si tu veux, les numéro uno. Numéro uno. Voilà, c'est ça. Ouais, il fait le taf. Hein, donc les gens, ils savent. Hein. Merci donc, beaucoup. Maintenant. On est de la partie quoi. Anis, ça va bien aussi? Bah oui, merci. Merci Fred. Et bah écoute, c'est un petit mot sur toi aussi, sur ce que tu prépares, sur ce qui va arriver. Bah écoute, moi depuis que tu m'as vu il y a deux ans avec Sultan sur le titre Spell Tonight, voilà, je chante beaucoup en Asie, je fais de la deep house, voilà, en live. Et Asie carton? Asie carton parce que c'est le délire là-bas, la deep house, c'est, tu vois, un DJ au platine, un saxophoniste et un vocal et ça tue. Donc tu fais le tour de l'Asie ou il y a quand même Malaisie, Thaïlande pour l'instant. Voilà, toujours produit par Freeman. Voilà, et puis je travaille avec des beatmakers comme Farid Guetta de Lyon, qui est très. Ah ouais, je passe une dédicace aussi à Farid Guetta de Lyon, qui m'écoute aussi, qui a fait des prods sur mon album. Qui est le fils de David, hein. Ouais, c'est ça. Farid Guetta qui est très talentueux et aussi Prodweiler. Voilà. Prod voilà, Rider, donc c'est avec eux que tu bosses. Qui a fait le titre là et sur Numéro Uno, et voilà, je le remercie. Et merci encore à DJ Amida de me faire confiance à chaque fois sur ces albums. Et ben merci d'être passé en tout cas pour cette fin de Planète Rap. Merci aussi à ceux qui étaient là aussi au live. Il y avait Oriental Impact. Il y avait Ayman Serrani, Aynin. Merci à eux d'être là. Et ben bravo à vous. Merci à vous pour ces lives juste avant de se quitter. Fred, petite dédicace histoire vas-y, de. Vas-y. Ça fait longtemps, on n'est pas venu dans la maison. Donc je remercie quand même DJ Amida, tu vois. Normal. On nous a donné la force. Donc on est présent. Et puis aussi à Doc Dero pour nous avoir donné le petit filon. All 7, Grizzly Brown, et on est all quoi. Voilà. James is Mad, ça arrive bientôt. James is Mad de retour bientôt pour la deuxième partie de 2015. Et on fait tourner la roulette avant de se quitter. C'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? Amandine. Oui. De la Mure, comment ça va, Amandine? Ça va, et vous? Bah, bienvenue dans Planète Rap de DJ Amida. Salut à toi, Amandine. Tu fais quoi, Amandine? Je suis en bac pro 20 alternant. Ah là c'est quoi? C'est bientôt les premiers examens, c'est pour quand pour toi? Bah ça y est, là je suis dedans. Ah t'es dedans, t'es en plein dedans. Ouais. Oh ma pauvre, ça va? Ça se passe bien? Bah ça va, ouais. Allez, un petit moment de détente, la roulette pour toi. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Roulette qui tourne. Stop. Avec Youssoupha à l'intérieur. Amandine? Oui. 50 euros en chèque cadeau pour acheter ce que tu veux qui arrive à la maison avec l'album de Youssoupha Négritude qui est sorti, qui fait un véritable carton. Il est pour toi. Merci. Et je te fais un bisou, Amandine. Passe une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Passez une bonne soirée. Amida, demain de retour pour la dernière. Demain de retour. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour cette dernière? Un gros live, gros invité aussi demain. Donc à pas louper, 20h-21h, on finira. Voilà. Feu d'artifice et petite dédicace à. Si Oriental Impact voulait passer 2-3 dédicaces. Bonne chance, tu peux passer. Viens aussi, Yannine. C'est ici. Allez-y, petit dédicace, petit message à passer, allez-y. Grande dédicace à tous les Nantais, tous les quartiers de Nantes, toute ma famille, et voilà, tous mes amis. Khalas. Voilà, là c'est Ayman Serrani qui fait une grosse dédicace aux gens de Roubaix, donc les gens du Nord, à Amine Benamar, à toutes celles et ceux qui me soutiennent, et à Mourad Majoud, l'arrangeur, celui qui me fait mes instrus. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Aynin. C'est Aynin, donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a l'EP qui arrive en septembre, et un gros clip, Le Grand Bandit, qui arrive très très bientôt. Et un gros bisou à Mathilde qui m'a soutenu tout au long du Planète Rap. Ouais, j'ai vu des messages de Mathilde. Sur Twitter, elle était en force. Et à tous ceux qui m'ont soutenu aussi, gros bisous. Regarde, il y a Soldat qui fait une dédicace Abdel de Hit Only, grosse dédicace frérot. Soldat OMG, Aynin qui veut une dédicace de toi. Grosse dédicace à Sabir, à Younes, à Bilel, à Gafour, à Didine, 130A, 340D, Dervalière, Sion, dédicace à Balou, Djumoul Hanout, Épicerie, Le Bretre, 85 rue Boulevard de Coubertin, allez vous servir en boisson, en ce que vous voulez, bientôt c'est le ramadan, pas d'alcool, donc... Sans alcool, la fête est moins folle, mais Hamida, il est là. Pour cet été, on va faire la folie. Merci. Vas-y, Anis, ouais, pardon. Slaki, c'est dédicace aux deux femmes de ma vie, ma femme Nora et mon petit bébé Sonia qui vient d'avoir 8 mois. Merci. Ouais, bah terrible. Bah, plein de bonheur à vous. Et le retour demain entre 20 et 21, un petit peu avant 20h, avant de retrouver aussi Difool et la Radio Libre. Yes. Allô, bonjour Fredo. Salut tout le monde. Salut à tout le monde, ça va Amida? Très bien, et toi Difool? Salut à tout le monde aussi. Nickel. Et on vous retrouve demain alors. Bah, enfin, Amida, demain soir. La dernière. Toi, hein. C'est la dernière. C'est en live. C'est la clôture demain. Ouais, donc demain ça va être chaud. Hein. Ouais, demain ça va être chaud. C'est mix party à partir de 20h. Voilà, ça on attaquera bien le week-end. Bon, ben nous on va bien attaquer cette soirée. C'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock avec Jason Derulo. Merci Amida. De rien. Et passe nous faire un petit coucou aussi. Bah ouais. Je vais passer là. Ou demain, je passerai. Ouais, quand tu veux. Quand tu veux. Pour la clôture. Quand t'es chaud, nous on est chaud là pour ce soir. C'est parti. Allez, demain. Bonne soirée. Salut Amida. À demain, ciao. Salut Fred. Ciao. Demain, à demain Fred, 20h, Planète Rap sur Skyrock. Et là c'est parti, bientôt 21h, Radio Libre. On arrive dans 2 minutes, là, le temps d'écouter Jason Derulo. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20, vous le savez, hein, si vous voulez faire les cons avec nous. C'est parti, jusqu'à minuit, on fait tout ce que vous voulez. Jusqu'à minuit, on aura même droit à notre problème du mois du jeudi soir. Et puis ben, au 01 53 40 30 20, vous avez le droit de tomber sur la Marie, c'est pas mal. Par exemple, voilà. En train de danser ouais, sur Jason Derulo. Bon ben, vous aussi éclatez-vous, Jason Derulo, il arrive dans quoi? Dans 1 minute sur Skyrock, 1 minute 30, il est là. Jason Derulo et Want To, Want Me. Et la Radio Libre tout de suite, salut Fred. Toute la journée sur Skyrock.